Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, supplément. Question 93. De la béatitude des saints et de leur demeure. La béatitude sera plus grande après le jugement que maintenant. Les degrés de béatitude peuvent être appelés des demeures. Les demeures se distinguent d'après la charité. 1. La béatitude des saints sera-t-elle plus grande après le jugement qu'auparavant? La béatitude des saints, après la résurrection, augmentera en étendue, puisqu'elle rejaillira de l'âme sur le corps. La béatitude de l'âme gagnera elle-même en intensité, car l'âme, tant qu'elle est seule, tend, par l'inclination même de sa nature, à se réunir à son corps. Et ce désir naturel l'empêche de se porter avec toute l'énergie de ses forces vers le souverain bien. La béatitude des élus, on le voit, sera plus grande en étendue et en intensité après le jugement qu'elle ne l'est maintenant. 2. Les degrés de béatitude doivent-ils être appelés des demeures? Il y a dans la maison de mon Père, a dit le Sauveur, beaucoup de demeures. Jean 14, 2. Toute cité bien ordonnée a ses habitations distinctes. La patrie céleste, comparée dans l'Apocalypse à une cité, doit avoir aussi les siennes. Ce qui forme les demeures de la cité sainte, ce sont les divers degrés de béatitude, car, par similitude avec les corps qui demeurent dans le lieu où leur mouvement atteint son terme, nous pouvons fort bien dire qu'il y a une demeure là où le mouvement de la volonté arrive à sa fin, et, par suite, appeler des demeures diverses les différentes manières d'atteindre la fin dernière. Sous cet aspect, l'unité de la maison désigne l'unité de la béatitude, envisagée en elle-même, et la pluralité des demeures, la différence de la béatitude des élus. Ainsi, dans la nature, les corps légers s'élèvent inégalement vers la même région supérieure, et occupent des demeures diverses, à proportion de leur légèreté. 3. Les demeures diverses se distinguent-elles d'après les divers degrés de charité? Deux principes président à la distinction des demeures du ciel, un principe prochain, et un principe éloigné. Le principe prochain, c'est la charité même de la patrie céleste. Plus elle est parfaite, plus est parfaite la vision de Dieu, et plus la béatitude est grande. Le principe éloigné est la charité de la vie présente, où le mérite de chaque vertu vient de la charité même, qui a pour objet la fin dernière. Dès lors, la charité d'ici-bas dispose, par forme de mérite, aux diverses demeures du ciel. Note. Nos œuvres et nos vertus ne nous donnent droit à la gloire céleste que tant qu'elles sont animées et vivifiées par la charité. Le genre des œuvres peut, à certains égards, déterminer un degré de mérite, mais non pour la récompense essentielle, qui est la joie que cause la possession de Dieu. Il assure seulement une récompense accidentelle, consistant dans la joie de quelques biens créés. Question 94. De la conduite des saints envers les damnés. Les saints verront les peines des damnés, ils n'y compatirent pas. En quel sens on peut dire qu'ils s'en réjouiront? 1. Les saints verront-ils les peines des damnés? Rien de ce qui peut contribuer à la béatitude des saints ne doit leur être soustrait. Comme on apprend à estimer un bien quand on le compare à son contraire, les saints verront à découvert les peines des damnés, afin que, appréciant mieux leur béatitude, ils en jouissent davantage et en rendent à Dieu des actions de grâce plus abondantes. 2. Les saints compatiront-ils aux peines des damnés? On compatit de deux façons, par passion et par élection de la raison. Sur ces terres, nous avons doublement pitié des pécheurs, et par élection de la droite raison, et par manière de passion, parce qu'ils peuvent, sans porter atteinte à la justice divine, passer du péché à la béatitude, mais, dans l'autre monde, où leur état malheureux sera fixé sans qu'ils puissent en être jamais délivrés, les bienheureux, chez lesquels toute passion sera subordonnée à la raison, n'y compatiront d'aucune manière. 3. Les saints se réjouiront-ils des peines des damnés? Il est écrit, « Le juste se réjouira à la vue de la vengeance divine. » Psaume 57, 11. Une chose est un sujet de joie, tantôt directement, tantôt à raison d'une circonstance qui l'accompagne. Les saints ne se réjouiront pas directement des peines infligées aux réprouvés, mais, contemplant d'un côté l'ordre de la justice divine, et de l'autre leur propre délivrance, ils glorifieront Dieu avec allégresse. Note. Même ici-bas, il est permis de se réjouir des peines d'autrui, si l'on y voit un bien. Question 95. Des dots des bienheureux. Les saints sont dotés. Différence entre la dot et la béatitude. Le Christ n'a pas de dot. Les anges n'en ont pas non plus. Il y a trois dots principales. 1. Faut-il assigner des dots aux bienheureux? Saint Paul, parlant du mariage, disait, « Ce mystère est grand, je dis en Jésus-Christ et en son Église. » Éphésiens 5, 32. Il enseignait alors que le mariage spirituel est représenté par le mariage corporel. Or, si l'épouse entre avec une dot dans la maison de son époux, il faut aussi que les saints, introduits dans la demeure du Christ, soient ornés de certaines dots, suivant cette parole, « Il m'a revêtu des vêtements, du salut, comme une épouse parée de tous ses joyaux. » Isaïe 61, 10. Il est donc certain que les bienheureux reçoivent de Dieu, à leur entrée dans la gloire, certains dons qui doivent faire leur ornement. Ces dons, les théologiens les appellent des dots. La dot, disent-ils, peut se définir, un ornement perpétuel de l'âme et du corps, qui persévère à jamais dans la béatitude, définition puisée dans la notion de la dot corporelle, qui, conservée à l'épouse d'une manière, inaliénable, lui reviendrait dans le cas où le mariage serait rompu. Note. La dot des bienheureux consiste dans les biens intérieurs, car, suivant cette parole, toute la beauté de la fille du roi lui vient du dedans. Psaume 44, 14. La beauté intérieure est requise dans le mariage spirituel, et non pas, comme dans le mariage corporel, l'éclat extérieur. Fin de la note. 2. La dot est-elle la même chose que la béatitude? La dot est donnée sans qu'on l'ait méritée, or la béatitude est une récompense accordée au mérite. Il n'y a qu'une béatitude, il y a plusieurs dots. La béatitude consiste dans une opération, la dot est une simple qualité. Pour ces trois raisons, il ne faut pas confondre la dot avec la béatitude. La dot a la béatitude pour but, elle y prépare, elle n'est pas la béatitude même. 3. Le Christ a-t-il des dots? Il doit y avoir entre l'époux et l'épouse une distinction de personne. Or, dans le Christ, il n'y a rien qui se distingue personnellement du Fils de Dieu, qui est le véritable époux, comme le marque cette parole. Celui qui a une épouse est l'époux, l'épouse du Christ, c'est l'Église. L'union qui s'établit par l'amour entre la personne divine du Fils de Dieu et la personne du Père ne saurait être considérée comme un mariage, elle n'a point ce qui constitue la sujétion de l'épouse à l'égard de l'époux. L'union elle-même de la nature divine avec la nature humaine n'exige point une dot, soit parce que, Dans tout mariage, il faut qu'il y ait conformité de nature entre l'épouse et l'époux, ce qui n'a pas lieu entre la nature divine et la nature humaine, soit pour la raison donnée plus haut, à savoir que la nature humaine n'est pas personnellement distincte du Verbe. Ainsi la dot proprement dite ne convient pas au Christ d'une manière aussi directe qu'au saint, quoiqu'il possède de la façon vont la plus éminente les biens appelés de ce nom. 4. Les anges ont-ils des dots? Les biens qui constituent les dots de l'âme se trouvent dans les anges, mais, si l'on considère ces biens au point de vue même des dots, on ne saurait, sous ce rapport, les leur attribuer. La raison n'est que la qualité d'épouse convient à la nature humaine, et non à la nature angélique. Nulle conformité de nature n'existe entre le Christ et les anges, qui n'en ont ni la nature humaine, ni la nature divine, l'idée de dot ne saurait leur convenir aussi naturellement qu'au saint. Quoi qu'il en soit, on peut dire, dans un sens large et par métaphore, qu'ils ont des dots. 5. Les dots de l'âme sont-elles au nombre de 3? Les théologiens assignent à l'âme 3 dots, qui sont, la vision, la compréhension et la jouissance. La vision correspond à la foi, la compréhension et l'espérance, la jouissance à la charité. Note. La compréhension consiste à posséder Dieu, et la jouissance parfaite de la patrie céleste contient la dilection de la charité. markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.